1 Thessaloniciens chapitre 5. Or, touchant le temps et le moment, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme le larron en la nuit. Car quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté, alors il leur surviendra une subite destruction, comme le travail à celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, de sorte que ce jour-là vous surprenne comme le larron. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour, nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons point comme les autres, mais veillons, et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre, et édifiez-vous tout l'un l'autre, comme aussi vous le faites. Or, mes frères, nous vous prions de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, et qui président sur vous en notre Seigneur, et qui vous exhortent, et d'avoir un amour singulier pour eux, à cause de l'œuvre qu'ils font. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, mes frères, de reprendre les déréglés, de consoler ceux qui ont l'esprit abattu, de soulager les faibles, et d'être d'un esprit patient envers tous. Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal, mais cherchez toujours ce qui est bon, et entrevouez à l'égard de tous les hommes. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce pour toutes choses, car c'est la volonté de Dieu par Jésus-Christ. N'éteignez point l'esprit. Ne méprisez point les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Or le Dieu de paix vous veuille sanctifier entièrement, et faire que votre esprit entier, et l'âme et le corps soient conservés sans reprochant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est pourquoi il fera ces choses en vous. Mes frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous conjure par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les saints frères. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.